Ainsi se termine cette nuit des actrices du cinéma français 1929-1944. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord la nuit se termine, c'est tout. Et puis parce que le livre s'appelle « Actrices du cinéma français 1929-1944 ». Il est signé Armelle Delorme, sous-titré d'Arletty à Kiki de Montparnasse et publié chez L'Aide Mémoire. Armelle Delorme, vous étiez avec nous depuis le début de la nuit et vous nous avez parlé de nombreuses comédiennes, certaines connues, certaines célèbres, certaines totalement inconnues. Et finalement, je pense que dans ces 800 pages, le plaisir le plus grand consiste à trouver des inconnus et se dire « tiens ». L'ai-je vu sans doute, parce que c'était une figurante ou c'était un deuxième, troisième, quatrième rôle? C'est une des choses auxquelles j'ai pensé en écrivant le livre, oui, absolument. C'est de que le lecteur puisse faire le lien en disant « mais c'est bizarre, ce que je lis là, ça me fait penser à tel visage dans tel film ». Et qu'il y ait ce réflexe de curiosité, ce réflexe d'aller farfouiller dans une vidéothèque, dans une DVD-thèque, de googler, ou de googliser, je ne sais pas le nom, pour ressortir des photos, puisque Google Images, pouf, on a tout de suite le visage qui correspond au nom. Et puis encore une fois, je parlais de Raymond Chira tout à l'heure, mais faire un livre aujourd'hui pour ne parler que des actrices connues, ça avait été déjà fait, et en tellement bien, voire tellement mieux. Donc il fallait ouvrir... selon moi, pour que ce livre soit légitime, les actrices du muet qui ont terminé leur carrière au début des années 30, les jeunes comédiennes débutantes de la fin des années 30 qui ont percé, comme Maria Cazares ou d'autres, et élargir, d'où ce corpus de un peu copieux de 250 noms, je crois, ouais. Et puis le volume 2, il y aura aussi 200 actrices, et puis après, je ferai les acteurs. On n'en est pas encore là, écoutez, en tout cas, merci à Armelle Delorme. Alors, je rappelle que les auditeurs auditeurs peuvent réécouter toute cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture. Notre entretien, Armelle Delorme, et puis toutes les archives, le mariage de Joséphine Baker et Joe Bouillon, l'écran sans images, une partie de campagne avec Sylvia Bataille, Je suis comme je suis, mémoires imaginaires d'Arletty, aussi les confidences de vedette Simone Ronan, Mémoire du siècle Paulette Dubost, le Radio Ciné Club, un festival Edwige Feuillère, en direct avec la phonothèque de l'ORTF Pauline Carton, les mardis du cinéma Maria Cazares, et le cinéma, et à l'instant, ce qu'on vient d'entendre, c'est Confidences de vedette Blanchette Brunois. Mais aussi l'entretien avec Bruno Villien qui nous parlait d'Arletty, de Jacqueline Delubac et d'autres comédiennes. Et puis aussi l'entretien avec Didier Griselin qui parlait de Françoise Roset. Merci à vous et très bonne journée. La nuit des actrices donc du cinéma français 1929-1944, c'est fini. Philippe Garbi, Emmanuel Morse-Duncan, Hassanem Béchour, Virginie Bourté. Très bonne journée à toutes et à tous.